Je veux les Benjamin bleu comme Piwi. Piwi, Piwi, Piwi. Benjamin bleu comme Piwi. S.O. Piwi, Langway. Benjamin bleu comme Piwi. Piwi, Piwi. Benjamin bleu comme Piwi. Pétasse, pétasse, pétasse, pétasse. Benjamin bleu comme Piwi. Benjamin bleu comme Piwi. Je veux les Benjamin bleu comme Piwi. Pétasse, Benjamin bleu comme Piwi. Benjamin bleu comme Piwi. Benjamin bleu comme Piwi. Je veux les Benjamin bleu comme Piwi. Pétasse, Benjamin bleu comme Piwi. Je veux les Benjamin bleu comme Piwi. Pétasse, Lost comme une victoire comme Piwi. Pétasse, à propos des sous comme Piwi. Pétasse, Shenzhen trop de c'est bientôt comme Piwi. Pétasse, j'ai la tout dans les restos Young Dolph. J'arrive avec plus de flow qu'on se golf. Si Dieu le veut, mais gros, bientôt j'garde une forêt qui vaut 11 golf. 667 vient nos boulettes proof. Quand ce cas qui bientôt boulettes proof. 667 élimine tous ces négros en masse. Comme dans 50 Cent boulettes proof. En orbite, j'suis dans la station. J'suis pas la négro, mais j'suis dans ta station. Négro, j'consomme plus d'essence qu'il y en a dans la station. J'suis dans les pistes dans la basse. Avec le clan, fume dans la basse. Si, si, salé, tout mon rentre dans la quoi, rentre dans la chambre à gaz. S.O. Piwi, Youngway. Négro, j'veux les Blue Benjamin. S.O. Gaza, chaque jour. Fuck Netanyahu, Benjamin. J'veux les Benjamin bleu comme Piwi. Piwi, Piwi, Piwi. Benjamin bleu comme Piwi. S.O. Piwi, Langway. Benjamin bleu comme Piwi. Piwi, Piwi. Benjamin bleu comme Piwi. Pétasse, pétasse, pétasse, pétasse. Benjamin bleu comme Piwi. Benjamin bleu comme Piwi. Je veux les Benjamin bleu comme Piwi. Pétasse, Benjamin bleu comme Piwi. Benjamin bleu comme Piwi. Benjamin bleu comme Piwi. Je veux les Benjamin bleu comme Piwi. Pétasse, Benjamin bleu comme Piwi. Équipe. Pétasse, pétasse, pétasse, pétasse.